Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Après le chapitre 8 du livre du prophète Daniel, tout naturellement, nous arrivons au chapitre 9. Ce chapitre 9 est un des chapitres les plus difficiles de tout le livre de Daniel. Alors, je crains que ce matin, vous soyez quelque peu déçus, parce que je ne vais pas vous donner, malheureusement, une explication exhaustive de ce texte que l'on appelle en général la prophétie des 70 semaines de Daniel, pour une bonne et simple raison. C'est que je ne la comprends pas entièrement. Alors, je n'irai pas au-delà de ce que j'ai pu comprendre de ce texte. Et comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, en introduisant ce sujet, notre première soirée, il y a dans le livre de Daniel, comme d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean, des mystères, c'est-à-dire des vérités qui ne sont pas encore révélées. Je sais que ce chapitre 9 du livre du prophète Daniel a donné lieu à une littérature extrêmement abondante de gens qui ont pensé pouvoir résoudre tous ces mystères-là. Et quand on lit cette abondante littérature, et ça m'est arrivé de le faire, on est un peu dans la confusion. Quand on voit justement des interprétations très différentes d'une part, et d'autre part, des affirmations péremptoires dont on se rend compte quand on étudie ces textes de près qu'ils ne tiennent pas la route. Alors, je laisse à ceux qui connaissent l'explication de ce mystère la responsabilité de leurs affirmations. Pour mon compte personnel, je me garderai d'entrer dans des explications trop précises de cette prophétie. Alors nous allons relire ce texte de Daniel 9, à partir du verset 1er, où il nous est dit ceci: « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai donc l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Nous allons sauter cette prière de Daniel, qui, au demeurant, est une magnifique prière sur laquelle je vous invite à méditer pour votre compte personnel. Et nous arrivons au verset 20, où il nous est dit ceci: « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, me parla, il me dit: « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole a été émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, mettre fin au péché, pour expier les fautes, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis que le décret autorisant à rétablir et à reconstruire Jérusalem a été promulgué, jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. La première remarque que je voudrais faire au sujet de ce texte, c'est que cet épisode se situe, nous est-il dit, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui était devenu roi du royaume des Chaldéens. Déjà, à ce stade-là, il y a un premier problème. Parce que la première année de ce roi, ce n'est pas de Darius qu'il s'agit, c'est de Cyrus. Alors, je ne vais pas entrer dans l'explication de cette incongruité, parce que c'est quelque chose de complexe. Il faut certainement, plutôt que de lire Darius, il faut comprendre Cyrus, comme on le lit dans certains manuscrits anciens. Bon, passons. Par conséquent, s'il en est bien ainsi, si c'est bien ainsi qu'il faut comprendre cette expression, cela signifie que Daniel a eu cette vision en l'année 536-535 avant Jésus-Christ. Et cette date est très importante. Et là, il nous est dit que Daniel, qui était très âgé à cette époque, a vu dans des livres, de quels livres s'agit-il ? Il le dit, notamment dans le livre du prophète Jérémie. Et dans le livre du prophète Jérémie, nous avons deux textes, le chapitre 25 au verset 12 et le verset 29 des versets 6 à 10, qui prophétisent l'exil à Babylone. Et le prophète déclare que cet exil va durer 70 ans. Après cette période de 70 ans, le Seigneur va ramener les captifs de Juda et il va permettre la reconstruction de Jérusalem. Par conséquent, Daniel, comme la plupart des exilés, avait connaissance de cette prophétie. Et les spécialistes sont tous d'accord pour reconnaître que ce qui a permis, ce qui a entretenu vivante la flamme de l'espérance du retour chez les exilés qui se trouvaient déportés en Babylonie, ce sont précisément ces prophéties de Jérémie, ces prophéties de rétablissement et ces prophéties du retour. Jérémie, de son vivant, avait été combattu. On n'avait pas voulu prendre au sérieux ces prophéties parce que c'était des prophéties de destruction et de malheur essentiellement. Et pour avoir osé prophétiser ainsi contre Jérusalem et contre le Temple, Jérémie avait été quasiment mis à mort. Il avait été sauvé au dernier moment. Et malgré ce scepticisme avec lequel avaient été reçues ces prophéties, on avait bien été obligé de reconnaître que Jérémie était un véritable prophète, lorsqu'effectivement, comme il l'avait annoncé, Nebuchadnezzar a mis fin à l'existence de Jérusalem, a rasé la ville et le temple et a déporté les habitants de Jérusalem en Babylonie. Et à ce moment-là, Jérémie a été réhabilité dans l'esprit du peuple parce qu'on a constaté que c'était un véritable et un authentique prophète, ce qui d'ailleurs est une règle générale qui nous est donnée dans le livre du Deutéronome, c'est à l'accomplissement de ces prophéties que l'on voit si on a affaire à un véritable prophète. Si ce qu'il annonce ne s'accomplit pas, alors c'est qu'il est un faux prophète. Or, on était certain maintenant que Jérémie était un véritable prophète. Mais Jérémie n'avait pas seulement prophétisé la déportation, la ruine et la destruction. Il avait aussi prophétisé le retour d'Israël à la fin de cette période de 70 ans. Et le peuple d'Israël avait gardé jalousement, avait serré dans son cœur ses promesses. Et comme Daniel, beaucoup de Juifs pieux n'avaient cessé de compter les années. 70 ans. Et au moment où la promesse commence à s'accomplir, à savoir, lorsque Babylone et l'Empire chaldéen est détruit par les Perses, la première année de Cyrus, quand il supplante en quelque sorte l'Empire chaldéen, Daniel fait un rapide calcul et il constate que l'on arrive à la fin de cette période des 70 ans qui ont été prophétisés par Jérémie. Alors il aurait pu s'en réjouir en disant « c'est formidable Seigneur, bientôt on va pouvoir revenir à Jérusalem ». Or, bien que les promesses de Dieu soient certaines, et là aussi le fait que déjà Babylone et la dynastie chaldéenne aient été évincés, et que par conséquent ici, on est à la veille de ce retour d'Israël dans son pays, c'est imminent, on le sait, et c'est encore une preuve supplémentaire s'il en était besoin que Jérémie est véritablement un authentique prophète, et bien malgré cela, Daniel a à cœur de prier le Seigneur. Seigneur, accomplis ta promesse. Est-il donc nécessaire de prier pour cela, puisque de toute façon, c'est annoncé? Eh bien oui, il faut prier pour cela. Et ça, c'est une première remarque que je voudrais faire aussi par rapport aux événements de notre temps. Nous avons vu déjà, dans toute cette première partie de notre retraite, que nous vivons les temps, des temps semblables à ceux de Daniel, des temps où les antiques prophéties commencent à se réaliser sous nos yeux. Des temps où le Seigneur promet qu'il va délivrer son peuple d'Israël. Des temps où il promet qu'il va délivrer son Église, il va la rassembler dans son royaume, comme nous l'avons vu hier. Alors on peut dire, mais c'est merveilleux, Seigneur, nous attendons ces événements confortablement. Bien que ces événements soient absolument certains, Dieu veut que nous prions pour leur accomplissement, de la même manière que Daniel avait prié pour leur accomplissement. Et cette prière, elle n'est pas seulement une prière en disant « Seigneur, accomplis ces choses », mais c'est aussi une prière d'humiliation. « Je confessais mon péché et le péché de mes pères ». Et cette confession des péchés, cette repentance qui ne touche pas directement Daniel lui-même. Daniel a été un homme fidèle pendant la majeure partie de son existence. Et on pourrait penser qu'il n'est pas concerné par cet acte de repentance. Et pourtant, il va confesser, nous dit, son péché et le péché de ses pères, qui a entraîné cette situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Il demande à Dieu de pardonner le péché et par conséquent d'ôter la malédiction que le péché a attirée sur le peuple et de ramener ainsi le peuple dans son pays. Et après cette longue confession, l'ange Gabriel vient à sa rencontre. L'ange Gabriel est un des rares anges de toute la hiérarchie angélique céleste dont le nom nous soit connu. La Bible nous dit qu'il y a des myriades de myriades d'anges, c'est-à-dire des millions d'anges. Et ces anges, qui sont des esprits au service de Dieu, et aussi, nous dit l'Épître aux Hébreux, au service de ceux qui doivent hériter du salut, sont classé dans une hiérarchie extrêmement précise. Il y a en particulier ce qu'on appelle les anges du service. ces anges qui se trouvent directement dans la présence de Dieu, qui sont les plus élevés en dignité et en puissance. Mais de cette myriade de myriades d'anges, il y en a simplement deux dont nous connaissons les noms. Et ces deux sont cités précisément dans le livre du prophète Daniel. Le premier, c'est Michaël, et le deuxième, c'est Gabriel. Gabriel, c'est un nom qui signifie « l'Éternel » ou « Dieu est ma force ». Et Gabriel, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, il est l'ange qui va communiquer, par exemple, à Zacharie la bonne nouvelle qu'il va devenir le père de Jean-Baptiste. Il est aussi celui qui va être envoyé vers la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle va devenir la mère du Messie. Et Gabriel est par conséquent l'ange de la puissance. La puissance, c'est une autre manière aussi de parler du Saint-Esprit. Le Seigneur, avant son départ, déclare à ses disciples, « Vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Gabriel est un ange très particulier, un des plus élevés en dignité et en puissance, mais dont le ministère est directement associé à celui du Saint-Esprit. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est le messager divin. Il est celui qui transmet les paroles de Dieu, ce qui est aussi une des fonctions du Saint-Esprit. Paul nous dira, par exemple, que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu dans ce qui est la révélation biblique, c'est-à-dire la Bible. Et il n'est donc pas étonnant de voir cet ange venir vers Daniel pour lui communiquer une parole qu'il a reçue de Dieu. Et il lui déclare ceci, « Dès que tu as eu à cœur de t'humilier, j'ai été envoyé vers toi avec une parole qui est une parole d'explication. » De ce texte auquel tu as fait allusion, c'est-à-dire de ces paroles de Jérémie. Tu as bien lu dans les livres que 70 ans ont été déterminés pour la durée de l'exil et que par conséquent maintenant, ce temps de 70 ans arrivant à sa fin, l'exil va prendre fin. Mais il faut que tu saches, Daniel, qu'il y a un mystère encore beaucoup plus profond caché dans ce chiffre de 70 ans. C'est vrai. Dans peu de temps, le peuple d'Israël va être rassemblé dans son pays. Mais ce retour d'Israël à Jérusalem, contrairement à ce que l'on pourrait penser, si l'on prend par exemple les paroles de Jérémie, ou si l'on prend les paroles des autres prophètes, ne sera pas encore la fin. Et il ne sera pas notamment le temps de la rédemption finale, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu, l'établissement de ce règne dont on a parlé, dont toi, Daniel, tu as eu des révélations dans les chapitres précédents, chapitres que nous avons étudiés. Ce n'est pas au bout de ces 70 ans que le Fils de l'homme va venir pour établir son royaume. En fait, il y a ce que les Juifs appellent un midrash. Ça veut dire une explication cachée de cette expression « les 70 années de l'exil ». Et en fait, s'il est bien vrai que, comme l'a annoncé Jérémie, au bout de cette période de 70 ans, le peuple va revenir dans son pays, pour que viennent les choses finales, c'est 70 semaines. Alors là, il y a un problème. Ce n'est pas le mot « semaine » habituel. « Semaine », c'est « Shavua ». Donc, en pluriel, ça nous donnerait « Shavuot ». Et là, nous trouvons le mot « Shivim ».« Shavuim »,« Shivim ». 70 semaines. La plupart des commentateurs ajoutent ici un mot qui ne se trouve pas dans le texte. 70 semaines d'années. Il est tout simplement dit 70 semaines. Ces commentateurs et ces traducteurs n'ont certainement pas tort. Il s'agit effectivement vraisemblablement de 70 semaines d'années, c'est-à-dire une période de 470 ans. Et cette période, au bout de cette période de 470 ans, selon le message que Gabriel transmet à Daniel, doivent s'accomplir les choses dernières, les choses finales, les choses que Dieu lui avait révélées dans les visions précédentes, et notamment, comme il le dit ici, il fait une grande liste de tout ce qui devrait alors arriver, il nous a dit ceci, faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute, amener la justice éternelle, accomplir la vision et la prophétie, oindre le Saint des Saints. C'est donc véritablement l'établissement du royaume messianique. Maintenant, ces 70 semaines d'années sont divisées en plusieurs catégories. D'abord, une première série de 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans, puis une série de 62 semaines, et enfin, la dernière semaine, les dernières 7 années, occupent une place particulière à la fin de la prophétie et sont elles-mêmes divisées en 2 séries égales, une série égale de 3 ans et demi, 2 fois 3 ans et demi, c'est-à-dire 7 ans. Il y a là ensuite des allusions qui sont faites pour servir de point de repère à toutes ces séries, 7 semaines, 62 semaines et la dernière semaine. Et c'est là que la sagacité des commentateurs s'exerce. Déjà, il y a un premier problème. C'est que, il est bien évident, quand nous regardons l'histoire, que si nous comptons depuis l'époque de Daniel, 490 ans, tout ce qu'a annoncé l'ange est loin de s'être accompli. Le royaume de Dieu, pour faire court, n'est pas venu après cette période de 490 ans. Donc, déjà, premier problème. Alors, les commentateurs chrétiens en particulier, qui étaient surtout centrés sur la personne de Jésus, ont déclaré ceci. La prophétie des semaines était une prophétie qui annonçait non pas la deuxième venue de Jésus, mais la première venue de Jésus. Mais là aussi, nous avons un problème. Parce que, nous l'avons vu, cette prophétie a été donnée en l'année 536-535 avant Jésus-Christ. Et par conséquent, si on fait le calcul en partant de 535 avant Jésus-Christ, 490 ans, ça ne nous amène pas tout à fait à l'époque de Jésus. Alors, on est obligé de faire des acrobaties extraordinaires pour essayer de faire coïncider cette prophétie avec le temps de la venue de Jésus. Alors, on prétend qu'il y a eu différents édits. Il est question de l'édit. À partir du contrat, c'est 490 ans, à partir du moment où aura été promulgué l'édit qui permet de revenir aux Juifs, de revenir à Jérusalem. Or, cet édit, c'est clair, tous les historiens sont parfaitement d'accord, eh bien, c'est 535 avant Jésus-Christ. Donc, ici, ça colle pas. Alors on est obligé de dire, mais il y a eu un deuxième édit, l'édit d'Artaxerxès, à l'époque de Néhémie, 444. 444, effectivement, si on prend cette époque comme point de départ, ça colle à peu près. On arrive grosso modo à l'époque de Jésus. Bon, néanmoins, je ne suis pas personnellement entièrement satisfait de cette explication. Parce que c'est de l'à peu près. Mais soit, Et là aussi, les commentateurs juifs, maintenant il faut nous tourner vers les commentateurs juifs, ils se sont aussi heurtés à ces difficultés. Et pour eux, il était évident que cette période de 490 ans devait aboutir à la venue du Messie. L'unique venue du Messie, puisque eux, à l'inverse des chrétiens, ne croient qu'à une seule venue du Messie, et ils sont obligés de constater, comme nous le faisons, qu'au bout de ces 490 ans, le Messie n'est pas venu, en tout cas pas comme il l'escomptait, pas comme il l'attendait. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le Nouveau Testament nous dit qu'à l'époque de Jésus, tout le peuple était dans l'attente. Une de ces raisons, c'est parce que l'on connaissait cette prophétie de Daniel. Et le peuple d'Israël avait compté soigneusement ces années, ces 7 séries de 70 semaines d'années, et à partir du moment où on était arrivé dans cette période, on était conscient, comme le disent les évangiles, qu'on était arrivé dans la plénitude des temps, ça veut dire le temps où le Messie devait venir. Alors il y avait en Judée à cette période, et le Nouveau Testament en rend abondamment témoignage, une attente messianique extrêmement forte. Et cette attente messianique était telle que constamment pendant cette période surgissaient des faux messies. Il en est cité quelques-uns, par exemple dans le chapitre 5 du livre des Actes, quand Gamaliel évoque un certain Judas le Galiléen qui se donnait comme quelque chose, ça veut dire qu'il se prétendait le Messie. Il a été tué, ses partisans ont été dispersés. Il cite d'autres individus qui eux aussi se sont proclamés Messie. Lorsque Paul est arrêté, le tribun qui a été en charge de son arrestation le confond avec un Égyptien, dit-il, qui s'est révolté contre Rome, ça veut dire qui a essayé de soulever un mouvement messianique et qui par conséquent s'est proclamé Messie. Nous avons parlé hier de Barabbas, qui est qualifié de brigand, c'était ainsi que les Romains appelaient les candidats Messie. Et l'historien juif Flavius Joseph nous raconte qu'à cette période-là, à chaque fête de Pâques, on était à peu près sûr qu'il y aurait une émeute messianique. Et c'est la raison pour laquelle le gouverneur romain, qui n'habitait plus Jérusalem depuis l'occupation romaine, mais Césarée, qui était devenue la capitale politique de la Judée, tandis que Jérusalem en était la capitale religieuse, le gouverneur quittait donc Césarée, avec des troupes, il montait à Jérusalem pour réprimer toutes les émeutes messianiques qui allaient avoir lieu pendant la semaine de Pâques. On était sûr qu'à chaque fête de Pâques, il y aurait une émeute messianique. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition juive, c'est à l'époque de Pâques que le Messie se révélera. Et tous ceux qui se prétendaient Messie, donc, montaient à Jérusalem à l'occasion de Pâques pour faire valoir leurs prétentions messianiques. C'est aussi à l'époque de Pâques qu'a éclaté en l'année 66 la grande révolte contre les Romains, qui aboutit 4 ans plus tard à la destruction de Jérusalem par Titus en l'année 70, et qui au départ était elle aussi une révolte messianique qui a pris de l'ampleur contrairement aux autres émeutes du même genre qui étaient matées par les Romains à l'occasion de cette fête de Pâques. C'est aussi à Pâques qu'a éclaté la grande révolte contre les Romains en l'année 66. Tout le peuple était dans l'attente. Pourquoi le peuple était-il dans l'attente? Parce que précisément, il y avait cette fameuse prophétie des semaines de Daniel. Or, au point de vue du peuple juif, en tout cas, rien ne s'est produit. Et la question que posent encore aujourd'hui les rabbins est celle-ci, mais pourquoi y a-t-il eu un tel retard? Et la réponse qu'ils donnent est celle-ci, c'est parce que nous n'avons pas été dans des dispositions favorables qui auraient permis à Dieu d'accomplir ses prophéties. C'est-à-dire, en quelque sorte, parce que nous avons été dans un état de péché. Et la raison que les rabbins donnent à ce retard de la rédemption, le péché principal du peuple d'Israël à cette époque-là, tel que le considèrent les rabbins, c'est ce que l'on appelle sinat chinam en hébreu, ça veut dire la haine gratuite. Ça veut dire, il y avait à l'époque de telles dissensions, de telles rivalités, de telles haines entre les différentes composantes du peuple juif, entre les pharisiens et les sadducéens, entre les esséniens et les pharisiens, entre les différentes écoles de pharisiens qui se combattaient les unes les autres, les zélotes, les sicaires, et tous ces différents partis qui composaient le peuple d'Israël à cette époque-là, cet état de division faisait, cet état de division et de haine faisait que le Seigneur n'a pas pu, disent les rabbins, accomplir cette prophétie. Bon, je laisse aux rabbins la responsabilité de leurs affirmations. Mais je pense quand même qu'on peut reprendre d'une manière assez juste l'idée que cette prophétie nous menait en tout cas à la première venue de Jésus. Très intéressant de noter que la chronologie de Luc, telle qu'on la trouve dans les évangiles de l'enfance, une chronologie qui part depuis l'annonce qui a été faite au père de Jean-Baptiste, Zacharie dans le temple par l'ange Gabriel dont nous avons parlé jusqu'à la fin de l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire jusqu'à la présentation au temple, correspond exactement à 77 semaines. C'est des semaines pleines cette fois-ci, pas des semaines d'année, mais des semaines. Ça veut dire que Luc considérait que cette prophétie des semaines avait un rapport avec la première venue de Jésus, et ceci malgré les difficultés d'interprétation que nous avons vues. Maintenant, il y a ici, les choses sont à peu près claires, et précisément la critique chrétienne, et non seulement des chrétiens non-juifs, mais des chrétiens juifs, des chrétiens messianiques, à l'endroit du peuple d'Israël, c'est que, comme le dira Jésus, il n'a pas connu le temps de sa visitation. D'une certaine manière, une première partie de cette prophétie est accomplie lors de la première venue de Jésus. Mais il y a la fin de cette prophétie qui fait problème. Nous relisons justement ce qui concerne cette dernière semaine, après les 62 semaines, verset 26. Le Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Tout ça, c'est des problèmes de traduction énormes. En plus de ça, la traduction de ce passage est extrêmement complexe. On peut le comprendre de différentes manières, ce qui n'ajoute rien à la solution du problème. Il n'aura personne pour lui, il sera retranché, on peut traduire aussi, mais non pas pour lui-même. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et là, évidemment, il nous faut y voir une allusion à la destruction de Jérusalem en 70 par Titus, le prince d'un peuple qui viendra quand, après que le Messie ait été retranché, c'est-à-dire après la mort de Jésus. Et nous avons vu que Jésus, nous en avons parlé hier, quand il parlait de sa mort, alors qu'il était emmené au supplice et qu'il était suivi par cette multitude de peuples et notamment de femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, annonce justement pour la génération suivante la ruine de Jérusalem. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car si l'on fait ces choses au bois vert, le Messie, que ne fera-t-on pas à son peuple le bois sec ? Nous retrouvons aussi cette idée d'une destruction de Jérusalem pour la génération qui suivra Jésus dans le fameux cri des grands prêtres lorsqu'ils demandent la mort de Jésus et la libération de Barabbas. Ils déclarent ceci, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Parole qui a été interprétée par l'antisémitisme chrétien pendant les siècles comme une malédiction éternelle. Le peuple d'Israël, étant les descendants de ces gens qui ont crié que son sang soit sur nous, sur nos enfants, sont placés sous cette malédiction du sang de Jésus qui leur sera redemandé jusqu'à la fin des temps. C'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens se permettaient de massacrer les Juifs, et notamment en Europe de l'Est, au moment de ce qu'on appelait les pogroms, c'est-à-dire les massacres de Juifs, le Vendredi Saint, les popes exhortaient les fidèles, à cause de ce texte, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, d'aller faire retomber sur les Juifs de l'endroit le sang que leurs ancêtres avaient répandu en la personne de Jésus. Et c'était la raison d'être des pogroms. En fait, cette malédiction, elle ne concerne pas les Juifs de tous les temps et de tous les lieux, mais tout simplement ce que le texte nous dit sur nous, ça veut dire les grands prêtres et les gens de cette génération, et sur nos enfants, c'est-à-dire sur la génération qui suivra. Et l'histoire nous annonce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ces mêmes grands prêtres qui avaient demandé la mort de Jésus ont été massacrés par les Romains. Après 1967, après la prise de Jérusalem par Israël, des archéologues ont fait des fouilles dans ce qu'on appelle le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, et ils ont retrouvé notamment le quartier des grands prêtres. Les superbes palais que les grands prêtres s'étaient construits après avoir racketté le peuple. Et ils ont trouvé des traces d'une destruction, d'une sauvagerie inouïe de ces palais dans lesquels les grands prêtres s'étaient installés. La malédiction qui a été prononcée sur eux s'est accomplie sur eux à la lettre. Et elle n'a plus à s'accomplir de nos jours. Alors, s'il vous plaît, quand vous lirez à nouveau ce texte, sachez de quoi il est question. Donc, le prince d'un chef qui vient détruira la ville et le sanctuaire après que le Messie ait été retranché. Cette prophétie s'est accomplie. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira jusqu'à l'extrême des abominations, jusqu'à la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Et c'est là que les difficultés commencent. La première partie de cette prophétie s'est accomplie d'une manière littérale, nous venons de le voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces deux demi-semaines qui concerne justement cette dernière semaine dont il est question ici dans notre texte? Quels sont les événements qui nous sont ici rapportés? C'est là justement qu'il y a des divergences d'interprétation entre les différents exégètes. Et c'est précisément dans cette explication que je me refuse d'entrer. Je voudrais simplement dire deux choses. Citons d'abord les sages d'Israël. Ils ont dit: cette dernière semaine, elle est différente de toutes les autres. C'est une semaine qui ne correspond pas exactement à des semaines d'année, exactement comme ça a été le cas pour les semaines qui précèdent. Pourquoi? Parce que justement, ce prince qui viendra, il doit être assimilé avec Armilius, c'est-à-dire l'Antichrist dont nous avons parlé hier. Et hier, nous avons vu ceci qui nous est dit: il espérera changer le calendrier et la Torah. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jérusalem est détruite, pour ce qui concerne la prophétie de Daniel, c'est d'un autre calendrier qu'il est question. Et là commence cette période de 7 ans, 3 fois 3 ans et demi, qui correspond à une épreuve eschatologique d'une durée indéterminée. Et dans la tradition juive, on a une prophétie qu'on appelle la prophétie d'Élie. Ce n'est pas à proprement parler une prophétie, c'est un résumé de toutes les prophéties. Et qui nous dit que depuis la destruction du temple jusqu'à la fin, 7 ans vont passer. sept temps qui sont caractérisés par des difficultés diverses, je passe, mais des temps dont la durée est indéterminée parce que là, nous avons affaire à un autre calendrier. Maintenant, il y a un autre mot ici très important et très intéressant. Il nous est dit « sur les ailes de l'abomination qui rend désolé » ou « de l'abomination et de la désolation ». Cette expression « abomination et la désolation », nous la trouvons trois fois dans le livre de Daniel. La première ici dans notre texte, Daniel 9, verset 27. La deuxième fois, dans le chapitre 11 du livre du prophète Daniel au verset 31. Et la troisième fois, dans le chapitre 12 au verset 11. Et voilà ici ce qui est tout à fait étrange et tout à fait étonnant. C'est que ces trois mentions de ce qu'on appelle l'abomination et la désolation, trois fois en hébreu, vous avez une faute d'orthographe. Et trois fois, une faute d'orthographe différente. Trois fois, cette expression revient sous une forme différente, et je vous l'ai dit, ce qui s'intéresse un peu à l'hébreu. Ici, nous avons « Al-Knaf Shikutsim Meshomem », Daniel 11, verset 31, « Nitnas Shikuts Meshomen », et enfin Daniel 12, verset 11, « Shikuts Meshomem » tout court. Dans les trois cas, c'est incorrect. C'est différent, mais c'est incorrect. Alors, nous avons déjà retrouvé ce type d'incongruité hier avec l'histoire de la semence de la femme. Et nous avons vu que là, il y avait aussi une faute de grammaire. Mais nous avons dit que lorsqu'il y a une faute d'orthographe ou une faute de grammaire en hébreu, eh bien, ce n'est pas que le Saint-Esprit se soit trompé, c'est parce qu'il y a un mystère qui touche les temps de la fin. Et bien sûr, ces incongruités grammaticales n'ont pas échappé à la sagacité des lecteurs juifs de ce texte. Et ils ont dit, pourquoi par trois fois il y a une incongruité grammaticale? Parce que dans cette expression « shikuts meshomem », c'est-à-dire l'abomination, c'est un mot assez cru, excusez-moi, ça veut dire littéralement « la crotte ». La crotte qui rend déserte, littéralement. Et au travers de cette expression, il y a un secret messianique qui ne sera révélé que dans les derniers temps. Un mystère. Un mystère qu'il est vain d'essayer de sonder avant le temps. Et un mystère qui touche à toute cette période mystérieuse qui est annoncée par la fin de cette prophétie de Daniel. Maintenant, je vous ramène au Nouveau Testament. Et dans deux textes en particulier, le premier c'est Matthieu 24, et le deuxième c'est Marc 13, verset 14. D'abord, Matthieu 21, verset 15. C'est pourquoi. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, ou encore que le lecteur fasse attention. Nous avons ici affaire à une incise, que parfois certaines traductions mettent soit entre parenthèses, soit entre tirées. Ça veut dire une parole qui a été ajoutée par l'évangéliste, qui n'est pas de Jésus directement, mais qui a pour but d'attirer l'attention du lecteur sur cette expression « abomination et désolation ». Pourquoi ? Parce qu'en grec, dans la langue dans laquelle est écrit le Nouveau Testament, vous avez aussi une faute d'orthographe dans cette expression « abomination et désolation ». Ça veut dire que les évangélistes qui ont rapporté les paroles de Jésus sur cette abomination et cette désolation, ils connaissaient cette incongruité grammaticale qu'il y avait dans le texte original. Ils savaient que cette incongruité grammaticale impliquait un secret messianique. Et pour leur lettre grecque, ils ont reproduit fidèlement la faute d'orthographe qu'ils avaient dans leur source hébraïque. en attirant l'attention du lecteur, dit « Attention, là, il y a une faute d'orthographe voulue. » N'imaginez pas que c'est parce que ces gens-là avaient une culture grammaticale et limitée. Pas du tout. C'est intentionnel, c'est volontaire. Parce qu'il y a dans cette faute d'orthographe un mystère messianique que seul celui qui sera intelligent comprendra, que le lecteur comprenne, si, autrement dit, s'il le peut qu'il comprenne. Et c'est une allusion à la fin du livre du prophète Daniel. Dans ce temps-là, la connaissance augmentera. Les sages comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Au temps de la fin, le secret de ce mystère caché dans cette faute d'orthographe sera révélé et nous permettra de comprendre la fin de cette prophétie de Daniel. Et vous retrouvez exactement le texte parallèle dans Marc 13, c'est exactement la même chose. Maintenant, est-ce qu'on peut encore essayer d'aller un peu plus loin? Est-ce que on peut essayer de comprendre que le lecteur, que celui qui peut comprendre, comprenne? Est-ce que nous pouvons comprendre? Livre scellé, nous en avons parlé le premier jour, scelle le livre, dit Dieu, dit l'ange à Daniel, l'ange Gabriel, car il se rapporte à des temps éloignés. Et nous avons vu que nous avons retrouvé ce livre de Daniel scellé de sept sceaux dans l'Apocalypse. Et l'agneau de Dieu, Jésus, le Messie, rompt les sceaux et rend compréhensible ce qui était resté scellé, ce qui était resté caché. Et nous avons dit que la compréhension du livre de Daniel, elle passe par l'explication qu'en donne Jésus, c'est-à-dire par l'explication qu'en donne le Nouveau Testament. Ici, dans ses discours apocalyptiques que Jésus prononce sur le mont des Oliviers, avant sa mort, puisqu'il s'agit bien de cela, Jésus fait allusion à ce dont a parlé le prophète Daniel. Comme nous avons déjà l'occasion de le dire, ça veut dire que pour lui, ces événements n'étaient pas accomplis à l'époque d'Antiochus Épiphane, mais ils étaient encore à venir par rapport à son temps, à lui, Jésus, et à celui des apôtres. Mais nous avons en réalité trois versions un tout petit peu différentes de ce discours que Jésus a prononcé sur le mont des Oliviers. Et en particulier, il y en a une version que nous donne Luc. Cette version, elle est un petit peu différente de celle qu'en donnent Matthieu et Marc. Et je vous invite par conséquent à lire en parallèle ces différentes versions de la parole de Jésus. Matthieu et Marc disent ceci, comme le faisait d'ailleurs Luc, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de catastrophes et de choses comme cela, ne soyez pas troublés, ce ne sera pas encore la fin. Par conséquent, voilà ce que ne seront pas des signes, ce que vous pourriez prendre pour des signes et qui n'en seront pas. Des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes, etc. Et puis ensuite, il y a une transition. Mais, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint. C'est quoi le lieu saint? C'est le temple. Par conséquent, c'est quelque chose qui touche le temple de Jérusalem. Et au-delà de la ville de Jérusalem elle-même, bien sûr. Ça veut dire, Jérusalem va être le grand signe. Le grand signe que les choses qui ont été prophétisées par Daniel, et notamment justement ce qui concerne la fin de cette semaine, vont être sur le point de se réaliser. Alors, c'est là que Luc nous donne une version un petit peu différente des paroles de Jésus. Non pas qu'il ait mal compris ou que les autres évangélistes aient mal compris, mais Jésus a dû dire les deux choses. Matthieu et Marc ont gardé le souvenir d'une partie des paroles de Jésus et Luc a gardé le souvenir d'une autre partie des paroles de Jésus. Et si nous voulons comprendre l'ensemble de ce que Jésus a dit, il nous faut rapprocher ces différentes versions de son même discours, ce qu'il faut toujours faire quand nous lisons les évangiles. Et là où Matthieu et Marc nous disent « Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint », qu'est-ce que nous dit Luc ? Luc 21, verset 20. « Mais quand vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. » Et Luc, il nous décrit avec précision ce que sera la ruine de Jérusalem en 70. Jérusalem investie par des camps militaires, c'est l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint. Par conséquent, par Jésus, en Jésus, nous comprenons le sens de ce secret messianique qui était caché dans ces fautes d'orthographe que nous avons déjà rencontrées. Alors, on va dire oui, mais ça n'est pas le dernier mot. Parce que en 70, quand Jérusalem a été détruite, Jésus n'est toujours pas revenu. Ça fait 2000 ans que ça dure. Lisons la suite de ce que Jésus nous dit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Là, Luc est le seul évangéliste à nous rapporter ce logion, c'est-à-dire cette parole de Jésus. Et cette parole de Jésus, elle est la clé de la compréhension de ce mystère. La destruction de Jérusalem, sa ruine, sa désolation, l'érection sur l'emplacement du lieu très saint, de réalités qui vont souiller ce temple comme des ordures, chikouts, les crottes dont nous avons parlé tout à l'heure, rendent impur. Le lieu très saint va être rendu impur. Et l'on sait que lors de la ruine de Jérusalem, sur cet emplacement du lieu très saint, quand le temple a été rasé, nous dit l'historien Flavius Joseph, les Romains ont dressé leurs enseignes. Et leurs enseignes, c'était des enseignes qui étaient consacrées aux divinités païennes, aux idoles romaines. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a souillé le temple. Et le temple est resté désolé jusqu'à ce que Constantin face de la religion chrétienne, la religion officielle de l'Empire romain. Alors il a construit la fameuse basilique du Saint-Sépulcre qui existe encore aujourd'hui, et pour montrer que le christianisme était triomphant et que le judaïsme était éternellement humilié, il a fait du mont du Temple un dépôt d'ordures, chikouts, les ordures. Et il y a eu, comme le disent les commentateurs de l'époque, le mont du Temple était la voirie de Jérusalem de l'époque. Cela a duré jusqu'en 648, lorsque le calife Omar est arrivé à Jérusalem. Et là, quand il a vu ce lieu très saint qui était un dépôt d'ordures, il a dit « ça ne peut pas être le cas, parce que c'est un lieu qui a été visité par la présence de Dieu ». Et il a ordonné la construction sur cet endroit d'un édifice musulman qui existe encore de nos jours et que l'on appelle le Dôme de la Roche, improprement appelé la mosquée d'Omar, car en réalité ce n'est pas vraiment une mosquée. Et il y a une inscription sur ce Dôme de la Roche, une inscription que ceux qui ne connaissent pas l'arabe ne peuvent pas déchiffrer et qui par conséquent ne les choque pas. Mais cette inscription dit à peu près ceci. Dieu n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Il n'a pas engendré et il n'a pas procréé. Ça veut dire, c'est une déclaration de foi antichrétienne. En d'autres termes, c'est un blasphème. Et là s'accomplit ce qui a été annoncé par Jésus, l'abomination et la désolation. Un mystère messianique. Et Jésus nous dit, citant et commentant cette dernière partie de la prophétie de Daniel, il nous dit, à partir du moment où le temple sera ainsi profané, où sera érigée cette abomination qui rend désolé, le peuple d'Israël partira en exil. Jérusalem sera foulée par les nations, ça veut dire passera sous la domination des nations. Et pendant tout ce temps-là, le peuple d'Israël connaîtra un nouvel exil, pendant un temps qui sera un temps extrêmement long, que Jésus ne précise pas, et qu'il appelle le temps des nations. Très rapidement, le temps des nations, c'est trois choses. La première, comme Jésus le dit ici dans notre texte, c'est le temps où les nations dominent sur Jérusalem, foulent aux pieds Jérusalem, comme la quatrième bête de Daniel que nous avons vue avec ses ongles de fer et ses dents de fer. Elles foulent le sanctuaire. Le deuxième sens de ce temps des nations, c'est un temps où Dieu va faire grâce aux nations. Un temps, comme le dit Jésus à ses disciples dans ce discours apocalyptique, où vous aurez l'occasion de rendre témoignage. Vous serez menés devant des rois, devant des gouverneurs, devant des chefs, après avoir été persécutés à cause de mon nom. Mais ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Car, dit Jésus, et c'est Matthieu qui est nous seul à nous rapporter ce logion, car il faut que cette bonne nouvelle soit répandue, cette bonne nouvelle du royaume soit répandue dans le monde entier, alors seulement viendra la fin. Ça veut dire que le temps des nations ne peut prendre fin que lorsque toutes les nations de la terre auront entendu l'évangile. Ça veut dire que ce temps des nations, c'est un temps de grâce qui est donné aux nations pour qu'elles aient l'occasion de se convertir à Jésus et se tourner vers le Dieu d'Israël. Jusqu'à la venue de Jésus, Dieu ne s'était pas préoccupé des nations. Seul le peuple d'Israël était dans l'Alliance. À partir de la venue de Jésus, le peuple d'Israël va partir en exil, et pendant ce temps de l'exil, la bonne nouvelle va être annoncée en son nom à toutes les nations. Au moment, le jour de l'ascension, les disciples pose à Jésus la question quand il leur parle de cette puissance du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir. Les disciples lui posent la question, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Encore une fois, Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël. Et les commentaires que l'on trouve dans beaucoup d'ouvrages chrétiens qui disent à peu près ceci, mais enfin, ces pauvres apôtres, ils étaient encore imbus d'idées juives. Ils s'imaginaient que Jésus allait reconstruire un royaume terrestre. Mais non, voyons, tout chrétien sait bien que Jésus est venu pour établir un royaume spirituel. En lisant ce texte, nous constatons que la question n'est pas de savoir si Jésus va ou non rétablir le royaume d'Israël. Qu'il rétablisse le royaume d'Israël, c'est une évidence pour lui, c'est une évidence pour les disciples. Si Jésus n'avait pas été d'accord, il l'aurait dit. La question est de savoir quand aura lieu ce rétablissement d'Israël. Et Jésus dit, ça ne va pas être là le jour de la Pentecôte, comme vous le pensez, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, parce que cette bénédiction du Saint-Esprit que vous allez recevoir va vous être donnée pour que vous soyez témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce n'est que lorsque les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile que précisément le Seigneur va rétablir le royaume d'Israël. Rétablir le royaume d'Israël, ça veut dire aussi rétablir le temple. Il n'y a pas de royaume d'Israël sans la reconstruction du temple. À la fin du temps des nations, le temple et Jérusalem seront reconstruits. Et puis enfin, il y a un troisième sens à l'expression « temps des nations ». C'est le temps où les nations mettront le comble à leur péché. C'est le temps de l'apostasie. Quand toutes les nations auront eu l'occasion d'entendre l'Évangile, comme nous l'avons vu dans le livre du prophète Daniel et comme l'avons vu hier avec l'Antichrist, ce dernier suscitera une ultime révolte de l'humanité contre Dieu. Et ce sera le dernier acte, la fin du temps des nations. Et pour que les nations aient l'occasion d'entendre l'Évangile et d'être sauvées, il faut que le peuple d'Israël soit en exil, il faut que le peuple d'Israël soit aveuglé quant à l'Évangile, et par conséquent, il faut qu'il souffre. Le peuple d'Israël va souffrir à cause de l'amour de Dieu et la grâce de Dieu pour les nations. C'est ça que Jésus dit. Et au temps de la fin, quand les nations manifesteront ouvertement à Dieu qu'elles ne veulent plus de l'Évangile, Dieu dira, bon, ok, je prends acte. Et à ce moment-là, Israël retrouvera son héritage et pour les nations, la porte sera fermée. Jérusalem cessera d'être foulée aux pieds par les nations et le Seigneur reviendra pour ressusciter les morts, pour reconstruire le temple et pour restaurer Jérusalem dans sa gloire et dans sa puissance. Depuis 1967, le 7 juin 1967 exactement, Jérusalem est revenue sous la souveraineté d'Israël. Signe indiscutable que nous arrivons à la fin de ce temps de grâce donné aux nations. Et depuis ce temps-là, 67, un an plus tard c'était 68, interdit d'interdire, le début de cette grande période d'apostasie dans laquelle nous sommes entrés et qui se poursuit. Ce temps où les nations nous disent, nous ne voulons plus de l'Évangile, nous ne voulons plus de la parole de Dieu, nous voulons plus de Dieu, c'est Babel. Et par conséquent, le temps où le jugement de Dieu est proche, la fin du temps des nations. Et Jésus nous dit ceci, alors, il y aura des signes dans le soleil, verset 25, la lune et les étoiles, sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront sur eux ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, réjouissez-vous et relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Aussitôt après ce jour-là, quel jour ? Quand prendra fin le temps des nations, quand Jérusalem retrouvera sa souveraineté, les Juifs retrouveront leur souveraineté sur Jérusalem. Aussitôt après ces jours-là, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans quel temps sommes-nous ? La réponse est claire. Un dernier mot maintenant et je conclue. La dernière semaine de Daniel. C'est quoi? Jésus ici nous donne la clé également. C'est le temps des nations. Ce n'est pas une période de 7 ans, mais c'est ce long temps indéterminé, comme le disaient les rabbins de son temps. Parce que la 70e semaine de Daniel, elle appartient, nous l'avons vu, à un autre calendrier. Parce que l'Antichrist change le calendrier. Et Jésus nous a montré... Et il a dit à ses disciples qui lui ont dit, « Mais Seigneur, mais quand ? Combien de temps va durer cette période ?» Et Jésus dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Là, il y a encore un mystère de Dieu, un secret de Dieu. Et voyez-vous, l'homme est ainsi fait qu'il cherche toujours à calculer les temps. Et les disciples n'ont pas échappé à cette règle. À plusieurs reprises, ils ont dit à Jésus, « Mais quand, Seigneur ?» Il dit, ce n'est pas à vous de connaître. Mais en attendant la fin de ce temps, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus termine en disant, prenez donc garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de l'ivronnerie, par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut être prêt à tout moment. Voilà l'enseignement que Jésus tire de ces choses. Et Jésus a dit, on ne peut pas connaître le jour ni l'heure, mais il y a des signes avant-coureurs. Et notamment, ce retour d'Israël dans son pays. Cet autre signe, ces deux autres signes que sont l'évangélisation du monde. Aujourd'hui, l'évangile a atteint les extrémités de la terre. Et puis aussi le troisième signe, l'apostasie qui va en augmentant. Ces trois signes, nous les voyons dans notre temps, dans notre génération. Et c'est pourquoi Jésus dit, cette génération, la génération qui verra ces signes-là, ne passera pas que tout cela n'arrive. Cette génération, l'avons vu, à cause de cela même, c'est la génération qui sera le plus attaquée par l'ennemi. Et il n'est pas étonnant que nous ayons des luttes et des combats dans ce temps. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, réjouissez-vous et retrouvez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Reprenez courage et tenez ferme jusqu'au bout. Celui qui arrivera, qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com